بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اليوم الحديث 36. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن لقيت ابن صبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ بالوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمد، إذا توضأت فمضمد. طيب، donc il dit, selon Laqit ibn Sabira radiallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: accomplis parfaitement l'ozo et frotte entre les doigts ou les orteils et inspire l'eau avec intensité, intensément, sauf si tu es jeûneur. Et le hadith est apporté par l'arba'a. Maintenant, l'arba'a, les quatre, quand on dit les quatre, c'est qui? Tirmidhi, Abu Daoud, Nasa'i, wa Ibn Majah. Naam. Naam. Et dans une version de Abu Daoud, qu'il dit: si tu fais l'ozo, alors remue-le dans ta bouche. En fait, de rincer la bouche, quoi. C'est ça. Donc, il dit: المسائل والأحكام والمستفادة من الحديث. Les règles à tirer profit de ce hadith. إزبار الوضوء. Le fait de faire l'ozo parfaitement. Donc le fait إزبار الوضوء, le fait de faire l'ozo parfaitement, cela s'applique sur le fait de faire parvenir l'eau dans toutes les, dans, sur tous les membres concerné par l'eau, que l'eau parvienne à tous les endroits et que cela est obligatoire, sans quoi l'eau n'est pas valide, comme cela a été prouvé par le hadith de Abu Huraira dans les Sahihain, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. Si jamais tu vas couper la salat, alors fais bien l'eau et ensuite fais face à la qibla. Le hadith de celui qui faisait mal à la salat. Il lui a préféré la salat. Il lui a dit quoi? Hein? De bien faire l'eau parfaitement et de faire face à la qibla. Et également, isbar el wudu'i, le fait de faire parfaitement l'eau, s'applique dans quoi? Dans le côté mustahab recommandé de faire l'eau de façon complète, c'est-à-dire trois fois. Chaque membre. On peut l'appliquer pour ça ou pour ça. Comme cela est dans le hadith de Usama, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Arafah, qu'il est dit: Fabala wa tawadda'a wa lam yasbir al wudu'a wa lisbir bi hadha al ma'na mustahabun. Qu'il a uriné, qu'il a fait l'ozo, mais qu'il n'a pas fait l'ozo de façon complète comme cela est mustahab, c'est-à-dire de faire trois fois chaque membre. C'est ça qui est venu. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait délaissé des fois, cela démontre que c'est mustahab. C'est mustahab. Et il est déjà venu dans d'autres hadiths qu'on a coupé avant, qu'il l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Et au-dessus de trois fois, ça devient un péché. Bien que l'ozo, il est valide. Ba'da hada qala mas'alatun takhlilu al-asabi'i. Le fait... اي قلم صغير كتاب suppose. Hein. Le fait de frotter entre les doigts ou les orteils. Donc il rapporte une part de Shoukani, de Sanaani, qui voit que cela est obligatoire. En prenant le côté apparent du hadith de Laqit ibn Sabira. D'autres ulama ont vu que cela était mustahab, recommandé. Et certains ont dit que cela est juste spécifique aux orteils. Cela ne contient, n'applique que les orteils. Et la parole authentique, c'est que cela englobe tous les doigts, doigts et orteils, en prenant la généralité définie dans le hadith. Après, il rapporte une parole d'Al-Baraoui, dans son Sharh Sunnah, qui dit que le fait de frotter entre les doigts et orteils, cela est une sunnah, dans l'eau d'eau. C'est quoi le but dans cela ? De faire parvenir l'eau en tout endroit, même dans les endroits assez difficiles à atteindre. En frottant, tu es sûr que l'eau il est parvenue. Car des fois, les orteils sont collés ou les doigts sont collés. C'est plus les orteils qui sont concernés, parce que les doigts ont encore de la main, c'est ça que c'est facile de les ouvrir. Les orteils, c'est plus difficile. Écarter les orteils, c'est dur. Quand tu fais l'eau d'eau. Et toi, ils ont les orteils qui sont vraiment collés les uns aux autres. Donc l'eau, des fois, ne peut pas passer comme il faut. Donc le fait de faire le tahlil, c'est vraiment pour faire accéder l'eau à toutes les parties. Donc si jamais on ne peut faire parvenir l'eau dans ces endroits, si ce n'est pas le tahlil, alors il devient wajib de le faire. D'accord ? Si tu n'as pas d'autre façon de faire parvenir l'eau entre les orteils, dans les parties bien cachées, si ce n'est avec tes doigts en frottant bien, alors c'est obligatoire de le faire. Sans quoi, ça reste mustahab. Et c'est ça qui rend la chose mustahab. Comme il a dit le Bassam dans son charh, il dit que la chose qui sort le hadith de son côté apparent obligatoire, c'est que le but de cela, c'est d'atteindre les parties difficiles à atteindre. Donc si tu y arrives sans le tahlil, alors le but est accompli. Le but est accompli. Et celui qui le fait, même si l'eau elle arrive quand même, il aura fait une sunnah, dans ce que certains voient, et c'est mustahab pour lui. Donc ça c'est la parole rajih. Que le l'isbar fil wudu, le tahlil afwan fil wudu, le tahlil fil wudu, c'est mustahab, c'est recommandé, et non pas obligatoire, hormis pour qui est incapable de faire parvenir l'eau en toute partie, ce n'est pas le tahlil. Après, il dit Mas'ala, al-mubalaghatu fil istinshaq. Le fait de faire l'istinshaq de façon intense, forte. À la base, mubalagha, c'est une chose exagérée, une chose démesurée. C'est-à-dire, quand tu fais l'istinshaq, quand tu inspires l'eau dans ton nez et que tu la ressors, de le faire fort. De ne pas être gêné que ça fasse du bruit ou quoi. Ça fasse du bruit par exemple. Des fois, dans là, il faut le snitcher, qu'ils ont peur avec le bruit de gêner les gens. Non, vas-y. Bon, vas-y. C'est ça la sunna. Et cela, il y a apporté une parole d'Ibn Qudama qui dit que cela est une sunna mustahabba dans l'eau d'eau. Sauf si tu es sa'im. Tu gênes. Pourquoi ? L'eau va entrer dans ta gorge après. Tu vas boire. Si tu fais ça trop fort, l'eau va rentrer, d'accord, et ça peut affecter ton jeûne. C'est ça. Quand on dit l'istinshaq, quand on dit l'istinshaq, ça implique l'istinshaq. Comment jeter une eau si tu ne l'as pas déjà auparavant aspiré? Non, c'est de la force. L'istinshaq. Je crois que c'était juste ça qu'il fallait. C'était concerné par, avec force. Ça va avec les deux ensemble. L'estinchak et l'estinsar, ils vont ensemble. T'aspires l'eau par le nez, il faut que je la fasse ressortir. Ça, c'est l'estinsar. Et quand tu dis l'estinsar, ressortir l'eau, c'est que tu l'as auparavant aspiré l'eau par ton nez. Donc les deux, ils vont ensemble. Les deux vont de pair. Si on te dit un, même sans citer l'autre, c'est qu'ils vont ensemble. Ils vont ensemble. L'estinchak ou l'estinsar, ils vont ensemble. Mais quand on le dit tout seul, ça implique les deux. Ça implique les deux. Après, c'est une parole de Nawawi. qui dit justement que le mubalagha dans le mois de Maza, l'istinchaq est dans cela est une sunna sans divergence. Le fait de rincer la bouche, mettre de l'eau dans la bouche, et l'istinchaq, d'aspirer l'eau et de la ressortir, faire ça avec force, est une sunna sans divergence. Et on a dit la mois de Maza, le fait de remuer l'eau dans la bouche n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est rentrer dans la bouche. Que l'eau rentre dans la bouche, pour que tu fasses, tu remues comme ça, là, comme un bain de bouche, ça, c'est pas obligatoire, c'est mustahab. Après, il cite une part de San'ani dans Subul Salam, où il dit, Rahimallahu Ta'ala, que ce hadith démontre la preuve de faire ça avec intensité, hormis pour celui qui jeûne. Par peur que cela ne fasse rompre son jeûne. Comme on l'a dit, que l'eau ne parvienne dans sa gorge, dans son gosier, dans sa gorge plutôt, gosier, c'est pour les oiseaux. L'alcoolique. Ouais, ouais, c'est clair. Peut-être que c'est un terme à la base employé pour les animaux qui a été appliqué sur l'homme. Est-ce que tu rentres dans le familier ou dans la colline. Donc il dit justement cette mubalara pour le jeûneur qui ne doit pas la faire. Après, cita al-hadith al-sabi' wa thalathun an Uthman radiallahu anhu anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i akhrajahu al-tirmidhi wa sahhahahu ibn Khuzayma. Et selon Uthman, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait entre les poils de sa barbe lors de l'eau d'eau, le hadith était rapporté par Tirmidhi et authentifié par Ibn Khuzaymah. Et le hadith sahihoun bi shawahidi. Il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens. Donc il dit mas'ala isalu al-ma'i ila batini lihyati. Le fait de faire parvenir l'eau à l'intérieur de la barbe. Et c'est un parade de Nawawi rahmallahu ta'ala qui dit que la barbe fournie, c'est qui est bien fournie, qui est intense, il n'est pas obligatoire, ou plutôt il est obligatoire de laver son extérieur. Quand même, la surface de la barbe. Et ça, il n'y a pas de khilaf là-dessus. Par contre, il n'est pas obligatoire de laver son intérieur. Il ne fait pas venir l'eau à l'intérieur de la barbe. Et que cela atteigne la peau. Et d'autres ulama, ils voient que c'est obligatoire. Ben, un khilaf, toujours, mais... Donc après, ils ont fait un tafsil. Ça dépend de la barbe que tu as. D'accord ? La barbe qui est légère, qui est peu fournie, qui est peu garnie, elle, oui. Tu la fais atteindre l'eau sur les joues. Celle qui est bien garnie, bien fournie, celle-là, non. On avait dit ça rentre dans quelle règle ça qu'on a pris au début. Elle m'a chaque corps. Franchement, une barbe, entrer dans la barbe, c'est extrêmement dur. Quand même, rentrer de l'eau dans la barbe fournie, qu'elle arrive à ta peau, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très dur à faire. Ça prend beaucoup de temps. Donc le torsi c'est ça, ça dépend de la barbe que tu as. Si elle est bien fournie, bien garnie, tu te contentes de laver son extérieur. Et si elle est légère et dégagée, alors faut que l'eau atteigne la peau. Quand même. Puis après, il dit Mas'ala takhlilu al-lihyati al-kathifa. Justement le fait de rentrer l'eau avec les doigts de la barbe fournie, garnie. Et c'est là la divergence qu'il y a entre les gens de science par rapport à ça. Certains disent que c'est obligatoire dans l'eau d'eau et dans le roussel, lors du lavage et lors de l'eau d'eau. D'autres disent que c'est obligatoire dans le roussel seulement et moustahab dans l'eau d'eau. Pas même. Et d'autres voient que cela est moustahab dans l'eau d'eau et dans le roussel. Et Shir, il voit que le rajih, c'est la deuxième. C'est-à-dire que lors du rous, c'est wajib, mais lors de l'ozo, c'est mustaham. Lors de l'ozo, c'est mustaham. Là, quand on dit takhlil, l'ihya al-kathifa, c'est pas le fait de faire parvenir l'eau à l'intérieur, c'est le fait de frotter avec tes doigts la barbe. Quand même, c'est pas le fait que l'eau arrive sur ta peau à l'intérieur. Tu pourras jamais le vérifier, ça. Là, c'est prendre avec tes doigts, mettre dans la barbe et vraiment la frotter. Hein? Quand tu fais l'eau d'eau, tu peux te permettre, quand tu lèves ton visage, passer l'eau sur la barbe et tirer comme ça. T'es pas obligé de faire ça. Avec tes doigts de là, comme si tu l'as peigné. C'est ça qu'il veut dire par takhlil, là, à ce moment-là. Mais par contre, dans le rousse, faut le faire. La barbe, avec tes doigts, faut que tu la frottes. Ah, mais maintenant, la faire parvenir sur la peau qui est en dessous, ça, je pense que tu auras du mal à arriver. Parce que la barbe, c'est un peu étanche. Les poils de la barbe, c'est pas comme les poils du cheveu. La barbe, c'est beaucoup plus fourni. Pour que l'eau arrive à l'intérieur et que touche tes joues, c'est très dur. Donc là, quand on parle takhlil, c'est le fait de prendre tes doigts, d'accord, et de rentrer dans tes doigts, dans les poils de barbe, pour rentrer l'eau à l'intérieur autant que possible. Maintenant, dire que toute ta joue est touchée par l'eau, tu pourras jamais le savoir, de toute façon. Tu pourras pas le savoir, ça, si tu as réussi ou pas réussi. Tu pourras pas le savoir. À part ceux qui ont une barbe qui est légère. C'est pour ça qu'il a dit, elle lit rien, elle kafifa. Après, il dit justement, mas'ala, dhabit, al-lihyati, al-khafifati, wal-kafifa. Quelles sont les normes de la barbe fournie et celle qui est légère? Parce que souvent, des gens ont tendance à croire qu'une barbe, par exemple, une grosse barbe, c'est une barbe qui est longue. Une barbe légère, c'est une qui est courte, par exemple. Il dit, il y a trois paroles là-dessus. La première, c'est que cela revient au urf chez les gens. D'accord? Deuxième parole, c'est celle où l'eau parvient à toucher la peau sans difficulté. C'est la légère. Donc celle-là, les khafifa. C'est une barbe qui est légère, celle-là. À partir du moment où l'eau arrive à toucher les joues, voilà. Et celle qui recouvre toute la joue, on ne voit pas la peau, quand même. Donc celle-là, les khafifa. Même si elle n'est pas longue. À partir du moment où on ne voit pas tes joues entièrement, que toute ta peau est recouverte, c'est une barbe qui est fournie. Même si elle est courte. Tu comprends? Donc il dit après, mas'ala, idha kanat al-lihyatu ba'daha khafif wa ba'daha kafif. Que si la barbe, par exemple, elle est irrégulière. Une partie est fournie, une partie est légère. Il dit tout simplement, la partie qui est kafif, tu la mouilles, ce qui est khafif, tu fais en sorte de toucher la peau. Ittaqullaha mastata'tu. Craignez-la comme vous pouvez. Et ce hadith et ces règles sont en même temps une réfutation à ceux qui prétendent, par exemple, que la barbe n'est pas obligatoire ou qu'il n'y a pas besoin de faire de barbe. Ce genre de choses. Même dans les règles de purification, on nous a appris comment nous faire avec notre barbe. C'est que la barbe fait partie de la vie de l'homme de tous les jours. Sinon, quand les gens disent que la barbe c'est des pluchures, par exemple, couchour, comme certains disent, alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait enseigné comment faire avec une barbe? C'était une chose qui était anodine, comme ça, qui n'avait pas de valeur. C'est-à-dire, même avec la barbe, on a des règles. Par exemple, même pour le fait de l'atteindre. Comment l'atteindre et quand l'atteindre. Cela, c'est qu'avec du hanna, avec de l'aîné, comme ils disent en français. Et ça, c'est quand la barbe commence à devenir blanche. Mais en noir, non. Tu vois? Tu l'attaques pas en noir, ta barbe. Tu l'attaques avec du hanna. Donc, elle aura un côté rouge. Ça, la sunna. Tout ça pour nous montrer que la barbe fait partie de l'apparence des musulmans, de l'homme. Et elle a ses règles. De ne pas la couper, de ne pas la tailler, même de ne pas couper ce qui dépasse d'une poignée. Bien qu'il y ait un khilaf par rapport à ça, mais la parole authentique c'est non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Donc, quand il est au foulou hakum, au foulou ha, laissez pousser les barbes. Et que sa barbe, justement, les sahaba, vous voyez sa barbe, vous voyez quand il résistait. Je trouve qu'elle était longue, sa barbe. Il n'a jamais coupé sa barbe, ça n'a jamais été rapporté de lui qu'il avait ça là. Hadi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des c'est la sienne. Et que la barbe, elle se fait teindre que par l'aîné, avec du henna, à quel moment, quand elle commence à devenir grise, de poils blancs. Naam. Mafoum hada? Taïd. Fa ila huna wa alhamdulillah rabbil alamin.